killers, hommage aux disparus, aux victimes qui ont été tuées par des balles perdues. Hommage à tous ces hommes qui sont morts pour leur pays, France, Mali, Sénégal et Algérie. Chaque jour passe, plusieurs corps se tassent, les larmes apparaissent, les fusils déchargent. L'État nous ramène les corps de la bataille, ils croient changer les choses avec une médaille. Armée d'un gros Beretta et sa famille, et accompagné de ma rage, je me sens comme un lion en cage. Chaque jour passe, c'est la merde, la galère. Demande à ma mère, c'est pas un mirage. On veut rester comme les grands de ce monde, dans la merde on m'a mis bien profond. J'ai pas fait la guerre, mais les tranchées, les bas-fonds. J'ai tranché, j'ai pris tout ce qui était bon. J'ai vu le monde partir en couille et les gens tourner en rond. Hommage à ces hommes qui sont morts dans de tristes décors. Hommage aux personnes qui passent leur vie dans des levées de corps. Hommage à ces familles qui sont atteintes de la famine ou d'une maladie, perdre un membre de sa famille ou un de ses amis. Y'a rien de plus terrible, Dieu nous donne la vie, nous la retirer ça. Y'a rien de plus pénible. Au nom de la mort qui nous laisse rien après son passage, juste des remords et les nôtres à la morgue. Et rien d'autre à serrer que la respiration nous étouffe à la gorge. Chaque proche, on l'étoffe d'avoir vécu sur terre. Certains près de nous, d'autres près du cœur. Car le temps passe par le biais de nos émotions comme un voleur. L'eau fait que disparaître, qu'on ne voudrait voir nos sourires réapparaître. Aigri par le temps et les gens heureux tuent le temps. On vengera vos disparitions, car j'en perds la raison. Et je pose mon encre comme une larme à la plume, comme une mère qui met son petit à la rue. Comme une mère qui met son petit à la rue. Hommage à ces hommes qui sont morts dans de tristes décors. Hommage aux personnes qui passent leur vie dans des levées de corps. Hommage à ces familles qui sont atteintes de la famine ou d'une maladie, perdre un membre de sa famille ou un de ses amis. Y'a rien de plus terrible, Dieu nous donne la vie, nous la retirer ça. Y'a rien de plus pénible. La vie elle est vraiment injuste, les personnes sans pitié, ils te tuent et ça c'est nul. À chaque fois que le téléphone sonne, j'ai peur de perdre un membre de ma famille. Et quand je m'embrouille avec l'un d'entre vous, sachez que j'ai le regret qui tourne. Mais ferme les yeux une minute et pense à ceux qui vivent dans la rue, à ceux qui ont juste une couverture pour couvrir leur corps nu. Hommage à ces hommes qui sont morts dans de tristes décors. Hommage aux personnes qui passent leur vie dans des levées de corps. Hommage à ces familles qui sont atteintes de la famine ou d'une maladie, perdre un membre de sa famille ou un de ses amis. Y'a rien de plus terrible, Dieu nous donne la vie, nous la retirer ça. Y'a rien de plus pénible.